Section 66 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e, section 66. Le Mascaret par Émile Flammarion. La pleine lune brillait, suspendu dans le ciel comme une sphère éclatante. Son pâle visage semblait regarder la terre en répandant sur elle une clarté éthérée. Dans le miroir de la Seine indolente, ses rayons d'argent glissaient en scintillant sur chaque petite vague. Au bord du fleuve, l'antique et si pittoresque petite ville de Caudeberck était encore endormie, resserrée autour du vieux clocher gothique qui la domine. On n'entendait que le bruissement, léger comme un souffle, du vent dans les marronniers, les ornes et les tilleuls séculaires qui bordent le fleuve. Enveloppé de calme et de silence, le contemplateur pouvait se croire transporté sur les rives solitaires d'un lac oublié au fond des campagnes. Ce cours de la Seine, à son embouchure, est peut-être unique au monde par son caractère. C'est une ondulation de serpent, nonchalamment étendue, endormie dans ses plis. De Rouen au Havre, il n'y a, à vol d'oiseau, que 70 kilomètres, tandis que les sinuosités de la Seine en décrivent plus de 120, avec une pente de 5,74 mètres seulement. C'est vraiment un lac dont les rives vont en s'écartant insensiblement l'une de l'autre jusqu'au large estuaire de l'embouchure. Le clair de lune agrandit tout. Les ombres sont plus intenses, les murs paraissent plus élevés, les arbres plus noirs. Nous suivions en silence les rives du fleuve où les vagues légères venaient mourir à nos pieds. Les bosquets, les silhouettes des maisons normandes aux balcons échancrés, la flèche de l'église aux noires ogives dessinaient un paysage humain nous rappelant que nous appartenions encore à la terre. Mais nos pensées flottant sur les ondes, bercées entre ciel et terre, descendaient comme en un rêve vers la mer, vers l'horizon vague où le ciel et la terre se confondent. Toute mystérieuse qu'elle soit, la clarté de la lumière lunaire est encore d'une grande intensité. Un monde éclairé, seulement par une lumière égale à notre clair de lune, ne serait point un séjour nocturne. Peut-être serait-il plus tempéré, moins rude, moins cru que le nôtre, composé non de durs contrastes, mais de tons et de nuances. Les yeux auraient acquis une faculté de perception plus puissante, l'oreille serait plus délicate et plus sensible, le système nerveux tout entier étant plus impressionnable. Mille nuances indécises qui nous échappent formeraient la base de nos impressions, de nos idées, de la double vie, physique et morale, matérielle et intellectuelle, qui constitue l'être humain. Et, qui sait, les sens qui nous manquent sont-ils nés, peut-être, sur les mondes éclairés par de pâles soleils, mondes affranchis de ces éléments disparates qui nous plongent tour à tour dans les feux du solstice, dans la neige des hivers, dans l'éblouissant éclat du soleil, dans la nuit profonde, dans l'orage des tonnerres retentissants, dans les tempêtes et les inondations, dans les volcans et les tremblements de terre, mondes affranchis de ces impressions trop brusques, trop grossières, et dans lequel les premiers organismes vivants ont donné naissance à des êtres délicats et sensibles, de plus en plus perfectionnés. Si le clair de lune double l'intensité des ombres, le calme de la nuit développe singulièrement aussi la faculté d'entendre. Qui d'entre nous n'a remarqué combien, dans cet universel recueillement des choses, deux êtres rapprochés s'entendent sans se parler, même à voix basse? Ne semble-t-il pas que, dégagés des bruits et des diversions du jour, les cœurs battent mieux à l'unisson, et qu'une pression de main suffisent pour mettre en communication subite et profonde les sources d'électricité nerveuse qui circulent en nous. Le soleil est un astre splendide, la lumière du jour est pénétrante et féconde, mais les corps les plus intimes de la lyre humaine vibrent avec plus d'intensité dans les harmonieux silences de la nuit. L'astronome peut regretter que les habitants de Vénus ne connaissent pas la calme et mélancolique beauté des clairs de lune. Alors, on sent mieux l'attraction qui, dans la nature entière, gouverne les mondes et les êtres, les atomes et les âmes. L'espace est une nuit. C'est à travers la nuit que les astres s'attirent, à travers la nuit qu'ils voguent en se cherchant, à travers la nuit qu'ils exercent, les uns sur les autres, les influences auxquelles leurs destinées sont suspendues. Il n'y a de jour qu'à la surface des mondes, et seulement dans le voisinage de leur moitié éclairée. L'espace n'est pas visible. Il laisse passer la lumière des soleils et reste noir, obscur, transparent, à midi comme à minuit. La Terre n'a pas d'yeux pour voir Jupiter glisser dans les cieux à 155 millions de lieues d'elle. Pourtant, elle le sent, elle le devine, et lorsqu'il passe à cette immense distance même, elle subit son attraction. Et au lieu de suivre directement l'orbite qu'elle doit décrire autour du Soleil, elle s'écarte, malgré sa masse si énorme. Elle s'écarte de sa route et se laisse dévier par lui. La déviation est de 2,10 m pendant 7 heures de plus grand rapprochement de Jupiter et de la Terre. L'aiguille aimantée enfermée dans une cave de l'observatoire ne voit pas le régiment qui passe sur le boulevard voisin. Pourtant, elle est toute troublée, agitée, contrariée de la perturbation apportée par les baïonnettes, et elle oscille sans repos tant que la cause n'a pas disparu. La foudre ne voit pas la clé, portée dans la poche d'un paisible habitant de la maison voisine, tranquillement assis dans son fauteuil. Pourtant, l'orage passe, la foudre éclate et va justement frapper sa victime en lui arrachant ses vêtements. La mère ne voit pas la lune planant dans les cieux, mais elle la sent, ses eaux la cherchent, la désire, s'élève vers elle, et avec la lune, la marée formidable fait le tour du monde. Le spectacle de grande marée, surtout aux époques où le soleil et la lune se réunissent pour appeler les eaux sur un même diamètre du globe terrestre, est éminemment propre à nous faire concevoir la grandeur et la puissance de l'attraction. Ainsi, en ce moment par exemple, la pleine lune attire les eaux de ce côté-ci du globe et la mer entière est soulevée vers le ciel par la puissance d'une main invisible. Mais ce n'est pas seulement la mer qui est soulevée, c'est la terre entière. À ce point qu'en ce moment même, de l'autre côté du globe, l'océan reste au-delà de ce déplacement, de la terre vers la lune, et produit précisément chez nos antipodes une marée symétrique à celle-ci. Le soleil ajoute son influence. L'équilibre est d'une telle délicatesse que les nuances les plus légères modifient l'harmonie. Loin d'être pesante et grossière, la création est pour ainsi dire immatérielle. Aux époques du mascaré, c'est-à-dire à chaque marée de la pleine lune et de la nouvelle lune, mais surtout aux jours de grande marée d'équinoxe, le fait si bizarre et si paradoxal de la rétrogradation de la Seine impétueusement poursuivie par les eaux de la mer qui la force à remonter son cours est l'un des plus curieux spectacles qui puissent se voir. Ce grand et émouvant spectacle n'a qu'un tort, c'est d'être aux portes de Paris. C'est si près que personne ne va le voir, et qu'il n'y a pas un Français sur 1000 qui l'ait contemplé. Si c'était en Suisse, en Italie, sur le Rhin ou sur le Danube, tout le monde y courrait. Spectacle merveilleux en effet, surtout pour celui qui sait le comprendre. Dans le silence de la nuit, sous la rosée lumineuse du clair de lune, on entend d'abord, on perçoit un vague murmure, comme un frisson dans l'atmosphère, comme un frémissement dans le feuillage. En cherchant à le définir, on croit distinguer des froissements de vagues, cette sorte de bruit sinistre, précurseur des inondations. Pourtant, la Seine coule tranquillement à nos pieds, calme, paisible, silencieuse. Le bruit grandit, et là-bas, sachant que la mer va arriver, nous commençons à reconnaître des crêtes de vagues. Oui, les voici qui s'avancent. Cavale à la blanche crinière, éclairée par l'astre des nuits, elles sautent là-bas, au loin, bondissent et disparaissent. Les voici qui approchent. Le bruit grandit, devient tumulte. Une muraille liquide, haute, houleuse, agitée, arrive avec la vitesse d'un cheval au galop. Déjà, une partie des flots a bondi sur la rive opposée, paraissant jeter toute la barque aquatique sur les campagnes riveraines. Mais elle s'est reformée, la muraille liquide. Elle occupe la largeur entière du fleuve et semble précédée par un long sillon noir. Quel torrent, quelle avalanche! C'est la mer, c'est la mer! La Seine a fui, disparu, La mer est arrivée avec un niveau supérieur à elle de plusieurs mètres, et maintenant, à nos pieds, s'agitent les vagues immenses et courroucées. Elle a passé comme un torrent, bondissant toujours en avant, et sans arrêt, elle continue son cours, poursuivant les eaux du fleuve comme un escadron de cavalerie poursuit les fuyards. Étrange et grandiose, dans le silence de la nuit, sous la froide clarté de la lune, qui semble se désintéresser des effets qu'elle produit elle-même, le mascaret est, à la lumière du jour, moins mystérieux, mais plus vivant. On en saisit mieux les multiples détails, et les gracieux paysages qui l'encadrent mettent en lumière tout son mouvement et toute sa beauté. Le rouleau d'eau jaillissante semble tourner en avançant vers le fleuve comme un serpent gigantesque, et derrière lui arrivent les vagues avant-courrières de la grande nappe de marée. Tous les obstacles placés sur sa marche l'exaspèrent et augmentent son élan. Il bondit sur les rochers de la rive, les quais et les digues, et s'élance aveuglément vers un but qu'il ignore. Malheur à la barque qui s'aventure à traverser le fleuve à cette heure! Plus d'un voyageur a payé de sa vie l'imprudence d'un instant. Personne n'a oublié la fin si tragique de la fille de Victor Hugo, de son jeune mari, Charles Vacquerie, qui voulut mourir avec elle, du marin et de l'enfant qui conduisait la barque. Villequier, 4 septembre 1843. Le mascaret a tant bouleversé le lit du fleuve. Les courants changent si souvent en cette région que nul ne peut s'y fier. Cette grève enchanteresse, parfumée tour à tour par les brises du rivage et de la mer, s'est mille fois couverte d'épaves et de cadavres. Les naufrages y sont plus nombreux que sur les rives de la mer voisine. Que de souvenirs endormis dans le cimetière de Villequier. Mais le flot passe devant nous avec une vitesse terrifiante. En un instant, le fleuve a fait place à la mer. Le contemplateur reste stupéfait de la transformation soudaine qui vient de s'accomplir sous ses yeux et du tumulte des eaux profondes. Il se souvient de l'impression si juste du berger de Virgile. Stabat et ingente motu stupefactus aquarum. Ce grandiose phénomène est produit par la marée qui arrive du large dans l'embouchure de la Seine, dont le front va en s'élevant graduellement et dont les rives vont en se resserrant. En vertu d'une loi mécanique bien connue, les ondes se propagent d'autant plus vite que l'eau est plus profonde. Les premières vagues de la marée arrivant dans une eau moins profonde sont ralenties. Celles qui viennent derrière elles les poussent, les dominent, les dépassent, et ainsi de suite. La Seine immense coulait tranquillement, mais insensiblement l'océan la refoule, opposant son courant au sien. Elle lutte, résiste, paraît s'étonner, combat, fait des concessions, glisse le long des rivages et des plages, cherche à s'échapper. Mais sourd, l'océan se fait un mur et avance. Confiante en sa destinée, elle hésite longtemps encore et change son cours. Elle semble s'interroger. Ne sommes-nous pas dominés, parfois, par des lois inconnues, par des forces supérieures? Pourtant, les fleuves ne remontent pas vers leur source. Sa destinée, sa fin, n'est-elle pas de descendre toujours, de marier ses ondes aux flots de l'océan, de se fondre et de mourir en lui? Pourquoi donc la repousse-t-il aujourd'hui? Non, ce n'est pas possible, ce n'est qu'un orage. Mais à l'embouchure, la mer s'est fermée. Un mur dense, impénétrable, s'est mis à marcher, poussé par la marée. Il marche, il s'élève, et toutes les eaux du fleuve réunies n'arriveront pas à passer par-dessus. À mesure qu'il s'avance en remontant, il acquiert plus de force et plus d'énergie. La marée augmente encore. Le flot s'épaissit, se soulève, s'irrite des dernières résistances de la Seine qui descend toujours. Alors, il semble qu'emporté par une implacable fureur, l'océan saisisse la rivière tout entière, la repousse avec violence et la force, sans trêve ni merci, à reculer vers sa source à la vitesse de 25 km à l'heure et sur une longueur de 50 km. 2 heures plus tard, elle revient, fidèle, calme, oublieuse du passé, s'abandonner à l'abîme immense. Mais à chaque marée, 2 fois par jour, le même phénomène se reproduit. Au jour de faible marée, Il est peu sensible. Au jour de grande marée, il se présente tel que nous venons de le décrire. Lorsqu'il est contrarié par le vent, il est plus formidable encore. La scène devenue mère était encore houleuse et agitée lorsque les 12 coups de l'heure de minuit s'envolèrent du clocher de la vieille église. Nous avions suivi le rivage au loin, en causant de cette mystérieuse attraction lunaire qui agit ainsi sur notre monde, et de l'harmonie générale des mouvements célestes qui régit la grande œuvre de l'univers. Qui sait, pensions-nous, si en dehors des bruits d'ici-bas, la gravitation rapide de toutes les sphères dans l'espace ne produit pas une sorte de mélodie simple et grandiose aux modulations variées. Ce tumultueux bouleversement du fleuve dont nous venons d'être témoins est lui-même un produit de l'harmonie, une complication d'ondes, et sa cause originaire n'est autre que l'attraction elle-même, car c'est elle qui fait descendre l'eau des fleuves, comme c'est elle qui fait monter les marées. Singulière antinomie. Et nous nous demandâmes si dans l'humanité comme dans la nature, dans le cours de la vie comme dans l'océan des âges, tous les actes n'auraient pas pour origine, en dernière analyse, une loi suprême. L'attraction. Fin de la section 66, lue par Isade en 2022.